Aminatu al-Baba. Amina a ouvert la porte. A ouvert la porte. Donc Fatahat ada fi'l madi. Ou bel Fatah fi'l madi. Et ta, on a dit c'est quoi ta? Ta tanis al-Sakina. C'est un harf qui démontre que le fi'il est au féminin. Comme cela vient après, Amina, c'est le fi'il. Amina, c'est le fi'il. Sujet et le malfour. Ou al-Baba, malfour mbi. Donc en dessous, après, tu as fait un khulasa de ce qu'on vient de dire. Wa alaykoum as-salam. Avec Qura'a, al-Talib ou al-Qur'an. Taïb, Qura'a, fi'il. Al-Fa'il, c'est Talib. Ou al-Qur'an, maful mbihi. Rabi, on a dit Ayyin al-Fa'il, wa maful bih, fil jumal al-Atiya. Dha khattan wahidan taht al-Fa'il, wa khattain taht al-maful bih. Wa ashkil. Akhil kulla minhuma. Donc il dit quoi? De définir, désigner, de définir où est le maf'oul bihi dans ces phrases suivantes. Taïeb. Et de mettre un trait en dessous du fa'il et deux traits en dessous du maf'oul bihi. Et de mettre les harakat. Taïeb, de mettre les harakat qui correspondent. Là, je regarde. Ça, on va le faire de maintenant, Inch'Allah. Toi, tu lis la phrase entièrement et tu mets les harakat et à la fin, tu me dis chaque chose quelle est-elle. Kassara al-tiflu al-qalama. Naam, donc l'enfant a cassé le stylo. Kassara al-fi'l. Naam. Al-tiflu al-fa'il al-qalama al-maf'ul bihi. Naam, enceinte. Ghassalat aminatu al-mindila. Non, Amina a lavé le mouchoir ou la serviette. Donc, Rasadat, c'est le fi'l. Aminatu, c'est le fa'il. Al-Mindila, c'est le maf'oul bihi. Non. Akala. Oussama. Akala Oussama. Al-Inab. Al-Inab. Al-Inab. Eish, le haraka. Inab. Al-Inabu. Le haraka. Aïe, c'est quoi le haraka d'Inab? C'est Marcoua. Kassara, Oussama, Al-Inaba. Donc Oussama a mangé le raisin et sa femme a mangé la banane. Akala, c'est le fi'l. Nam. Oussama, c'est le fa'il. Nam. Al-Inaba, maf'oul bihi. Nam. Waouh, cela ici, waouh, ça s'appelle harf ataf. C'est une conjonction de coordination, c'est-à-dire c'est et quoi. Wa akalat fi'l, zawjatuhu fa'il, al-mawza maf'ul bihi. Naam. Rabi'an. Sharibat al-baqara al-ma'a. Ikra wasilan. Sharibat al-baqara al-ma'a. Aïd. شربت يا بير حركات شربت بقره الماء شربتي ايوه شربتي البقره الماء نعم دونك لا فاش ا بو لو سي شربت شربت نعم كسل الراء طيب كوزوميو ايوه جاي دو بوزي لا كيسيون سيت كسره سي كوا ايزومي ان سكون ان كسره ايوه بوركو Il y a un cause derrière, il y a une raison. C'est pour montrer que c'est au féminin, non? Non. Ils ont voulu te faire montrer que l'origine c'est Sukun. Sharibat. Tanisakina. Seulement là, quand tu fais la liaison, avec Alifolem derrière, t'as Eltika Sakinein. T'as une rencontre entre deux lettres Sakin. Donc tu dis Sharibati Bakara. Vous voyez? Sharibati Bakara tout, elle met. Quand tu lis assemblée, tu dis Sharibati Bakara. Quand tu t'arrêtes, tu dis Sharibat al-Bakara. Mais la vraie voyelle, c'est Sukun. Nam. Sharibat al-Bakaratu al-Ma'a. Sharibat, donc c'est le fi'al. Al-Bakaratu fa'il al-Ma'a al-Mafruti. Nam. Khamisan. Hafida Hamzatu al-Qur'ana. Donc Hamza a mémorisé le Qur'an. Hafida fi'al Hamzatu

Voilà. Elle a des questions? Non. طيب فنكتفي بهذا نقول الحمد لله رب العالمين